créer la rigidité chez moi à tous les niveaux. Comment briser ce bloc rigide? Ça fait commencer une question avec une question moins dure. Elle est rigide, celle-là. Je vais commencer avec la deuxième partie, la première question. De dire le Notre Père, est-ce que cela nous permet une descente d'énergie? Moins dur que ça. Quelle heure est-il? Elle est facile. Quelle heure est-il? À quelle heure est-il? Et puis, pas de monde. À quel pays? À quel pays sont-ils? Quelle heure? Bon. Parce que, vous voyez que la deuxième partie, là, je réponds, la réponse, c'est oui. Oui et non. Mais oui. Répète la question. De dire le Notre Père, est-ce que cela nous permet une descente d'énergie? Bon, oui, c'est évident. La seule chose qu'il y a, c'est qu'à différents niveaux, il y a une descente d'énergie qui va être nécessairement opérée. Si l'individu fait la prière d'une façon spirituelle, elle va baigner dans l'énergie, elle ne peut pas se servir de l'énergie. Elle sentira probablement l'énergie. Si la personne fait ça d'une façon nouvelle, une façon intelligente, une façon supplémentaire, une façon instantanée, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la source de la prière dans sa mémoire, elle la prononce au fur et à mesure qu'elle naît chez elle, elle sera capable de contrôler l'énergie. Et donc, elle pourra même s'en servir pour des choses qui dépassent ce que sa mémoire ou son imagination pourrait créer. Par contre, l'individu qui prononce une prière avec de l'orgueil, donc avec un ego, avec une voix astralisée, lui, ça, il va... C'est un peu comme si elle allait crier dans un poste de police, « Je vends de la drogue, je vends de la drogue! » Pour ça, il se pousse. Puis il laisse sa carte avec son adresse, son numéro de téléphone, puis tout ça. Alors, la personne qui prononce, parce que le Notre Père peut facilement ressembler à une... Ça crée de l'autorité mentale dans l'astral. La colère mentale dure, elle est au-delà du Notre Père. La colère mentale douce est légèrement en bas du notre Père. Donc, le Notre Père est entre les deux. On va dire c'est une colère mentale, mais c'est pas tout à fait une colère mentale. C'est une ordination. Et l'individu qui fait ça avec de l'ego, il vient simplement signer son nom dans le plan astral en voulant dire, écoutez, si vous cherchez quelqu'un pour qui vous venger, là. Si vous voulez frapper quelqu'un, je suis là. Je suis là. C'est pourquoi je dis que oui et non. Donc, si on le fait spirituellement, on baigne dans l'énergie, mais on peut pas s'en servir réellement. Si on le fait d'une façon instantanée, donc d'une façon supramentale, il n'y a pas de problème. Puis si on joue le facteur supramental avec de l'ego, là, il peut y avoir des petits handicaps. Je reviens à ma question de la première partie. Si on est mal pris, on prie. Mal pris, on prie. C'est pas pris, ça. Je n'ai jamais réalisé. Mais quand on est bien pris, on prie pas. Quand est-ce qu'on doit prier pour l'utiliser vraiment, là, efficacement, quand le Christ ou quand le Nazaréen a créé cet égrégore-là, dans quelle utilité pour lui on devait s'en servir? Lui, il l'a créé pour que les gens placent leurs énergies dans l'égrégore parce qu'à un moment donné, quelques 2000 ans plus tard, certaines personnes se serviraient de l'énergie laissée par l'humanité du passé là-dedans. Donc là, on est là, 2000 ans plus tard. Maintenant, comment on peut faire des retraits dans ce compte de banque-là? Sans faire des retraits orgueilleux, là, mais dire s'équiper énergétiquement ou aller chercher cette énergie-là qui pourrait nous être utile. La question d'une question qui demande un truc. Pour te faire sortir la réponse? Non, qui demande un truc comme réponse. Oui. Et puis la problématique, c'est que... Non, pas un truc. Non, mais c'est parce que l'humain va parvenir à ramasser cette énergie-là quand l'humain va être capable, premièrement, de s'aimer, quand l'humain va devenir un être nouveau. Puis quand on parle d'être nouveau, encore une fois, ça veut dire qu'on doit résumer les 500 conférences que j'ai faites avant, puis résumer peut-être aussi les 1000 que je vais faire plus tard. Lorsqu'on parle d'être nouveau, nécessairement, on parle d'un être humain qui est capable de s'aimer. Un être humain qui est capable aussi, c'est absolument essentiel pour se servir de l'énergie laissée par le Nazaréen, d'un être humain qui est capable d'intelligence instantanée et qui est capable d'amour instantané. Donc, un être humain qui est capable d'être l'amant de tout ce qui existe, tout en étant capable d'être le père de ces choses-là. On peut faire la même chose pour l'amante ou la mère. Ce que je veux dire par là, c'est que aimer quelqu'un, On parlait de l'humain pour l'instant. Nécessairement, tu dois aimer et tout. C'est la même chose. Mais aimer un être humain, ça veut dire que tu es capable de le punir. Mais pas dans le sens qui aime bien, châtie bien. Ça, à l'époque, les gens avaient qui aime bien, châtie beaucoup. Tu sais, c'est ce qu'ils faisaient. Ce qui aime beaucoup, châtie beaucoup. Ouais. Tu t'arranges pas de faire adorer. Oui, parce que couvert d'or, tu marches pas fort. Alors, ce qui arrive donc, c'est que on doit, quand on parle d'aimer quelqu'un, c'est que, je vais prendre l'exemple d'un patron qui aime tellement ses employés que quand les employés font des conneries, il leur pardonne. Mais là, il ne les aime pas comme il faut. Le patron devrait aimer ses employés, puis quand les employés font des conneries, il leur pardonne, puis il les instruit. Puis quand l'employé récidive sans arrêt, bien, il le met dehors, s'il l'aime. S'il le garde à son emploi, il ne l'aime pas. Alors, c'est la même affaire, par exemple, prenons un parent qui a un enfant qui se drogue, et puis on l'aide. Si on l'aime, on le prend, puis on le sac dehors. Puis, il n'y a plus de clé, il n'y a plus rien, on ne peut rien savoir de lui, si on l'aime. Tandis que si on ne l'aime pas réellement, bien là, on continue à l'aider. Pour aimer quelqu'un, on doit s'aimer. Si on s'aime suffisamment, bien l'autre qui est en train de nous siphonner complètement, on le met dehors si on s'aime. En le mettant dehors, ce qui va arriver, c'est qu'on le détache de ce qui lui permet de continuer à se droguer. Il va aller fouiller ailleurs, il va tomber. Quand il va être rendu suffisamment bas, il n'aura plus le choix. Il va recommencer. Il y en a qui vont se suicider, le parent va dire « c'est de ma faute, j'aurais dû le garder à la maison ». Bien, il se serait suicidé 10 ans plus tard, puis toi, tu te serais peut-être suicidé à... Peut-être après toi. Mais ça, aimer quelqu'un, ça veut dire, bon, on parle donc d'aimer. Quand le Nazaréen parlait, ou que toutes les structures, par exemple, pour arriver à descendre de l'énergie de notre Père, il faut absolument que la personne soit capable de s'aimer elle-même, donc d'être respectable en face d'elle-même, d'être honorable, va dire la Bible. Et la personne doit être capable d'être totalement transparente. Il ne faut plus qu'on ait besoin. Il ne faut pas qu'on ait besoin égoïquement c'est de cette énergie-là. Arriver. Quand tu n'en as plus besoin en termes d'ego, là, tu peux y avoir l'accès. Ouais, et c'est pourquoi, quand ça va bien, on ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de prier quand ça va bien. Et donc, une personne n'a pas besoin de... À un moment donné, que j'étais assez jeune, puis j'essaye de dire, par exemple, « Bon, mon père, je te remercie pour ce que j'ai eu. » Puis là, en même temps, j'ai l'impression que là, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas besoin que je le remercie. Pas du tout, pas de miette. Il y a besoin que je l'aime. Ah, ben là, j'ai dit, mon père, je t'aime. Puis c'était mieux. Prenons l'exemple. Vous êtes des parents. Partout d'un père astralisé, là. J'étais jeune à l'époque. Mais vous êtes parents. Vous donnez quelque chose à votre enfant, à votre fille, à votre garçon. Et puis... Même si on est des parents, disons, âgés, puis nos enfants ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous leur donnez quelque chose. Puis ils disent merci. C'est bon. S'ils vous disent à la place, je t'aime, mauditement mieux, énergétiquement, là, on communique sur différents plans. Mais c'est un peu la même chose. La personne doit être capable d'être transparente puis de laisser tomber la politesse. Tu ne peux pas, par politesse, dire à quelqu'un que tu l'aimes. Par politesse, tu vas dire merci. Mais par politesse, tu ne peux pas être transparent. Alors, ce qui fait que pour que la personne puisse se servir de notre Père ou de l'énergie placée dans l'égrégore du Père, l'individu doit être une personne qui... parce qu'on peut résumer ça facilement, c'est un individu qui n'est pas chialeux, tu sais. C'est trop très simple des fois ce que je dis, puis on pense que ça n'a pas de valeur. Puis je peux partir d'une rhétorique qui va avoir bien de la valeur, qui est difficile à comprendre. Mais... Ce qu'on a à faire, c'est d'être totalement pur. Être totalement pur, ça veut dire être un égoïque, ça veut dire ne pas avoir d'ego, ça veut dire ne plus vivre d'émotions. C'est important. Si on ne vit plus d'émotions du tout, il n'y a pas de problème, on va être capable de se servir de l'énergie. Puis encore une fois, c'est parce qu'astralement parlant, l'émotion, c'est ce qui tue l'humain, ça le rend malade, ça le fait vieillir, ça crée les guerres, ça crée les disputes, ça crée les angoisses. Même quand l'humain parle d'amour comme émotion, l'amour n'est pas une émotion. Mais l'amour émotif est un problème humain. Alors, l'humain doit vivre du sentiment, l'humain doit être sentimentique, pas sentimental, et l'humain doit être capable d'exprimer le sentiment. Tandis que si l'humain exprime ce qu'il appelle justement l'émotion, nécessairement l'humain ne peut pas appliquer ces mécaniques-là. Dans l'émotion, il y a la médiocrité, complexe d'infériorité, il y a la peur, il y a la honte, l'angoisse, la culpabilité. Dans l'émotion, il y a toutes ces choses-là. Puis si on dit, oui, mais il y a des bonnes émotions, tu veux éliminer les mauvaises, tu veux éclairer les bonnes, parce qu'ils sont des antagonistes, c'est la même structure. Bon, fait que c'est pas compliqué tellement à dire. Je le dis pas. Qu'est-ce qui crée la rigidité chez moi à tous les niveaux? Comment briser ce bloc rigide? Bon, cette personne-là ici... Je reparle lentement mon micro sans que ça paraisse. Qu'est-ce qui crée de la rigidité chez moi à tous les niveaux? Comment briser cette rigidité? Tu me la reposes. Okay. C'est que tu tiens l'air pour ne pas me mettre dans cette question. Okay, parfait. Pourquoi? Parce que ce que je veux répondre à la personne, ça doit être suffisamment ajusté pour qu'elle puisse comprendre. Puis présentement, la personne elle-même, elle est rigide parce qu'elle n'est pas capable de... Probablement, elle se déteste énormément. Et la personne n'est absolument pas capable de se tolérer elle-même. Et nécessairement, il y a une expression sur un paquet des plans. Et, je ne vais pas faire une psychanalyse de la personne. Puis comment briser ça? Même le mot « briser » est un mot qui n'est pas adéquat. Bon. Alors, nécessairement, il y a... Dans l'expression « briser », « briser », c'est rigide, déjà. Exactement. Ça confirme la rigidité. Alors, la personne, elle n'est pas encore, je parle de l'ego de la personne. Vous pouvez comprendre souvent les choses. De temps en temps, bon, je vais répondre, puis il y a des personnes qui sont frustrées ou encore ils ne comprennent pas ce que je leur dis. Je parle souvent à l'ego. Puis dans la tête, on est clair. La personne, elle n'est même pas prête à entendre la réponse. Elle ne veut même pas savoir comment faire pour éliminer la rigidité. La personne, elle peut me dire quand je dis ça, ben voyons donc, crime, si j'ai posé la question. Je parle pas de la tête. La tête est souvent apte et prête. Mais ce qui est rigide, l'ego, lui, veut rien savoir. Puis si la personne dirait, voyons donc, mon ego veut le savoir. Ben si ton ego voudrait le savoir, il le ferait. Alors, dans la question, on sent énormément d'intolérance en face d'elle-même. La personne, elle ne s'aime vraiment pas, puis en plus, elle n'est absolument pas tolérante avec elle-même. La rigidité, ça devient une espèce de discipline, c'est pas tout à fait ça, mais pour faire comprendre un peu, c'est une discipline interne majeure, militaire, mais c'est pas ça non plus. Mais ça va créer nécessairement une rigidité qui peut même être totalement physique. Ça peut aller jusqu'à être totalement physique. Alors, c'est surtout ça. La personne devra commencer à apprendre à s'aimer, c'est-à-dire pas à se dire qu'elle s'aime. Elle n'aimera pas ça. Mais la meilleure façon, encore là, ça peut être dangereux pour la personne. Il y a des choses, bref, que tu leur poseras peut-être à un moment donné. J'ai quand même répondu pas mal, là. Pourquoi dans la Bible, Jésus est montré comme un personnage pauvre? Pourquoi faire croire ça aux gens? Pour la simple raison que la majorité des personnages qui avaient de l'argent à l'époque étaient des personnages handicapés par leur monnaie. Or, nécessairement, si le Nazaréen devient un personnage riche, ça complique les choses. Et en plus, il y a deux richesses qui existent. Il y a la richesse de l'orgueil, la richesse de l'ego, la richesse qui pavane, qui montre ses bijoux et qui montre à tout le monde qu'elle est riche, comme par exemple les vêtements riches des prêtres. Bon, aujourd'hui ou à l'époque, ça dépend de l'humain, ça dépend pas du vêtement riche. Et en plus, on voulait, à travers la religion, pas le Nazaréen, à travers la religion chrétienne qui va suivre, on voulait ramasser la majorité du peuple. Et la majorité du peuple étant pauvre, on va dire aux pauvres, c'est les pauvres qui vont s'en sortir. Moi, je vous garantis que je me promène dans le Vieux-Montréal, puis après une semaine ou deux, là, j'ai une troupe de fidèles énorme. Quand j'allais compter là-bas que seuls ceux qui se droguent peuvent arriver à être sauvés, la loi est qu'il y en a du monde qui va me suivre, dans ceux qui se droguent. Alors, la façon de ramasser la majorité de la population de l'époque qui était pauvre, c'était nécessairement de parler des pauvres. Et en plus, c'est vrai que si tu es riche, en pensant que tu le mérites, c'est grâce à toi, t'es pauvre en esprit. Dans deux termes, tu es en québécois puis en sciences religieuses, là. T'es pauvre en esprit. Alors, ce qui fait que le Nazaréen lui-même devait donc être pauvre. Quand le Nazaréen rentre d'une maison de riche, à un moment donné, où ce qu'il y a un bonhomme, Mathieu, où il y a un bonhomme qui est un collecteur d'impôts, il n'y a pas de problème à rentrer là. C'est évident, il est très connu, sa famille est connue, il est riche. Puis jamais le Nazaréen, quand le Nazaréen va dire à des personnages, par exemple, il sera plus facile par un chameau de rentrer par le chat d'une aiguille qu'un riche rentrer au ciel. Je répète que le chat de l'aiguille, c'était un couloir qui appartenait à un des murailles de la ville de Jérusalem, puis le chat, c'était le trou qui était là-dedans. Alors, les chameaux rentraient par là avec leur cargaison, et le chameau, lui, il porte la cargaison du riche. Le chameau, il est riche. Mais psychologiquement, le chameau, il s'en balance. Alors, le chameau va rentrer plus facilement par le chat de cette aiguille-là que le riche va rentrer au ciel, dans ce sens que celui qui a besoin de la richesse, qui a besoin de se montrer, qui a besoin d'avoir 25 chameaux ou 45 femmes, dépendamment des religions, pour montrer sa richesse, lui, c'est un riche planétaire, puis quand il meurt, sa richesse, elle reste là. Mais c'est évident que Dieu ou l'intelligence, l'intelligence instantanée, ou toute la mécanique céleste, la mécanique, disons, reliée à ce que le Nazaréen appelait le Père, ne descend pas dans la matière, dans la pauvreté. Mais ce n'est pas exclu dans la pauvreté. Sauf que si, prenons l'exemple, vous voulez, mettons un jour, quelqu'un dirait, moi je veux laisser exprimer Dieu à travers moi. Est-ce qu'il devient pauvre? Absolument pas. Il devient en santé. S'il l'exprime, il ne devient pas un martyr. S'il devient un martyr, c'est parce qu'il résiste il résiste énormément à l'expression divine. Sans ça, il devient nécessairement riche, c'est-à-dire qu'il aura tout ce qu'il aura besoin d'avoir lorsque ce sera nécessaire. Pas de la richesse, ça. Là, l'humain va dire, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien, puis quand il veut prendre l'avion, bien, un billet qui tombe, puis ah, tiens, c'est là où je veux aller, justement, puis son nom est dessus, puis tout. Ça pourrait fonctionner comme ça, sauf qu'il n'y a pas un égo sur la planète qui va être capable de le supporter. Si ça arrive au gars, le gars n'est plus fonctionnel. Hein? Le gars, il est hors service. Alors, l'humain va se ramasser de la matière. Est-ce qu'une personne, on va dire un chrétien, pour faire référence à ça, le chrétien, est-ce qu'il est plus mauvais quand il gagne 1 million ou quand il est riche que quand il est pauvre? Tu peux donner quand tu as donné. Ça sera toujours comme ça. Alors, le Nazaréen était riche, sauf que c'était compliqué à l'époque, on voulait ramasser... Mais dans l'exemple que tu donnes du billet d'avion là, qu'on trouve à terre, c'est parce qu'on ne regarde pas ce qui nous arrive. Parce que si on regardait plus souvent ou avec un petit peu plus de lucidité... Oui, mais tu sais que Maxi, la vie, tu regardes à terre, chercher le billet d'avion, paf, tu frappes un poteau, tu regardes dans les airs pour éviter le poteau, pouf, tu piles dans un tas de... Oui, mais si on regarde juste dans notre boîte à mal, là, souvent ça arrive que tu te... Moi, je décompte. Ouais, tu reçois un compte, puis le lendemain matin, tu reçois un chèque à peu près du même montant. Là, on le met dans le sens inverse. On dit, si tu m'as fait en maudit, j'ai reçu un chèque de 500$, mais j'ai reçu une facture qui va avec. Ouais, t'es bien chanceux d'avoir eu le chèque. Il y a une personne, dernièrement, ce que j'expliquais, c'est qu'elle me disait tout le temps, moi, là, c'est le maudit problème. Chaque fois que je rentre de l'argent, mon char casse, tu sais. Ben oui. Fait que là, tu sais, l'astral tape dur parce que j'ai 250$, paf, 249$, 55$ de réparation. Fait que là, j'ai dit, non, tu comprends pas l'idée. C'est un humain puissant, intéressant, c'est pas ça du tout. T'as pas compris la mécanique encore de la gestion financière, t'as pas compris la mécanique encore pour attirer la richesse en temps et en matière de façon à te laisser totalement disponible à devenir transparent des énergies qui vont te permettre une ascension. Ce qui arrive en réalité, c'est que ton automobile, elle scrappe, puis l'intelligence l'empêche de casser. On l'empêche de casser. Puis quand il rentre de l'argent, bien là, elle casse, parce que là, tu sais, elle casse. Alors, au lieu de crier, elle réconcilie avant quand tu n'avais pas d'argent. Tu sais, c'est maintenu jusqu'à temps que tu puisses payer, puis là, ça casse. Bon, alors à un moment donné, tu reçois une facture, tiens, ça fait, ah ben maudit, ça fait 6 mois, ça, puis ils pensaient que c'était réglé. Et eux, ils l'ont perdu dans la brume, tu n'avais pas d'argent. Alors, on ne te l'a pas envoyé, tu n'avais pas d'argent. Puis quand tu as eu ton argent, tu reçois ton compte immédiatement. Mais c'est pas le compte n'arrive pas pour te vider ton argent. C'est que le compte n'est pas arrivé avant pour ne pas te créer de problème. Puis quand il arrive, il faut que tu le payes, ça reste un karma présentant. L'humain reste encore dans sa tête assujetti au karma. Souvent, c'est différent de ce qu'on peut voir. On pense souvent que tout va mal. Mais tout va pas bien. Rien ne va bien. Mais c'est pas toujours des manipulations pour nous dégrader, mais ce qui va arriver souvent, c'est que n'importe quel humain qui résiste à sa transparence, qui résiste à être bien. L'homme, la femme, l'enfant, là, ça veut pas être heureux. Ça veut pas être bien. Ça cherche du piquant dans la vie. Ça cherche des problèmes. Alors, l'humain qui commence à être investi d'une énergie, deux énergies majeures pour le faire, intelligence instantanée et amour instantané, ben l'humain qui résiste, nécessairement, il va devoir descendre comme le drogué. Parce que l'homme, la femme, l'enfant sont drogués de la vie. Puis s'ils ne sont pas descendus dans le fin fond du fond du trou, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pourquoi il y a un apocalypse qui s'en vient. Sauf que la personne qui est capable de se servir de son intelligence suffisamment, la personne capable de se centrer dans son intelligence, elle n'aura pas besoin de descendre dans le fin fond du fond. Mais les années commencent à compter, là. Il est temps que l'humain commence à pratiquer et à appliquer des choses. Le compteur tourne. Puis quand je parle pratiquer, c'est pas la religion, c'est mettre en pratique. Les entités négatives existent-elles vraiment ou sont-elles le fruit de notre imagination et de notre pensée négative? Bon, un jour, tu te rappelles, tu te promènes en pleine forêt. Et puis dans une région qui est inique, c'est noir. Les entités qui sont là, c'est noir. Et puis, l'expérience, disons, le discours qu'on s'était tenu avant, c'était que ce qui est noir chez l'humain, c'est ce qui est exprimé à l'extérieur, puis c'est ce qui va rendre l'extérieur noir. Puis ce qui est blanc chez l'humain, c'est ce qui est exprimé aussi, ça va rendre l'extérieur blanc. En fonction de ce qu'on est, donc de la pureté qu'on va exprimer, on aura un entourage particulier. Alors, c'était dans une réunion du groupe des chefs, et puis à travers l'été, il y a des personnes qui devront apprendre à éliminer totalement la peur chez eux. La peur, c'est l'expression interne des choses noires chez soi. On se rappelle, tu t'es promené dans la forêt, il y a un endroit totalement noir, tu pénètes dans l'endroit qui est noir, puis tu avais déjà eu peur, etc. Là, tu es tellement blanc avec toi-même, tu vas dans un endroit qui est noir, puis une fois que tu es là, tu regardes, puis tout est blanc. Et là, justement, la question qu'une personne me posait pendant la fin de semaine des chefs, c'était la même question. Est-ce que ça existe ou c'est rien que le fruit de notre imagination? Et la réponse, celle-ci, c'est que les entités existent totalement, elles s'approchent et elles sont noircies par nous-mêmes ou elles sont blanchies par nous-mêmes. Elles sont neutres, elles ne sont pas polarisées de nature, elles se polarisent près au gros contact de l'homme. Alors, on approche d'une maison hantée, puis on se sent bien. Tu sais, le fantôme, il fait pas du bruit. Tu sais, il fait du ménage. Tu sais, c'est correct. Problème. Je veux ça d'avoir une communauté comme ça chez nous. Et oui, c'est ça. Ouais. Et on va dans une autre région, et puis c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont dans la même maison, puis ils se sentent mal. C'est vraiment, vraiment, vraiment nous qui déterminons. Moi, je me promène souvent, je rencontre des animaux dans la forêt. Des chiens aussi, et en ville. Puis il y a des chiens qui sont extrêmement dangereux, leurs maîtres n'en reviennent pas, je ne parle pas de Doberman, là. Les maîtres n'en reviennent pas que le chien m'aime tout de suite. Mais c'est la même chose, l'animal lui-même va se faire énergiser par une partie de ce que tu exprimes. Bon, alors le chien, les chats, les chiens, les animaux, etc., on a même une belle puante qui vient chez nous. Là. Ma femme, elle n'aime pas ça, ma chatte non plus, ben, qu'est-ce que tu veux, elle va pas. Et puis, c'est la même chose. Les entités existent réellement. C'est noir parce que toi, tu es noir. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est que si on a, par exemple, une attitude PMC, c'est pas même, c'est noir. Non, ça veut dire que je suis noir. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que sans toi comme baromètre, OK? Ça veut dire simplement que tu es capable de percevoir les entités noires. Merveilleux. Pourquoi merveilleux? Parce que maintenant, tu es capable, tous les semaines, d'aller voir. Quand ils vont commencer à être plus blanche, tu sais que tu es sur le bon chemin, tu es en train de blanchir. S'ils sont plus noirs, tu vas retourner chez vous et tu ne te culpabilises pas. Tu te dis, bon, mais qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct? Bon, je suis là, qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct? Non, qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct? Là, tu regardes, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis lentement, on va retrouver des affaires. Puis quand c'est trouvé, là, tu peux aller vérifier. De toute façon, c'est ce qui est arrivé. C'était tout noir au complet. Les individus ont fait des petits exercices de transparence. Puis, une fois qu'ils ont trouvé des petites choses, tu vois, rien qu'à vérifier, puis c'est plus blanc. Hein? Il y a même un trou, là, qu'on appelle marécage du diable. C'est intéressant. On l'appelle comme ça parce que toutes les personnes qui vont là, ils reviennent en courant. Bon. Oui, c'est... J'ai toujours figuré que la distance était plus courte en revenant. Quand il y a l'air. Elle paraît plus longue, mais elle se fait plus vite. Et puis effectivement, c'est toujours une question c'est très relatif, de déplacement. Et puis à un moment donné, il y a des personnes qui vont, puis subitement, ils ne comprennent pas. Tu sais, c'est pour ça que c'était peut-être mon imagination. Là, maintenant, c'est tout. Non, t'es plus blanc, t'es plus pur, c'est tout. Il y a bien des choses que je pourrais dire pour frustrer les personnes à un moment donné. Que tu pourrais dire pour frustrer? Qui frustrait. Pas ouais. Pour, mais qui frustrait. Ouais. Oui. Ça, j'en doute pas. On va passer à l'autre question. Ben, je pourrais t'en dire une, là. J'ai bien des questions, là. Es-tu le père de tes enfants? On n'a pas vraiment le temps. Hey, ça, c'est plate. Je leur appartiens. Totalement. Parce que tu ne t'appartiens pas. C'est ça. C'est d'autres choses, là. D'autres choses, là. Non, mais c'est ça pareil, ça frustre. Le professeur qui est dans une classe, il a des problèmes avec ses enfants, là. Mais faudrait qu'il commence à regarder lui. Ah, c'est encore une faute, c'est la faute des adultes. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est pas de la faute des adultes. L'enfant aussi a sa responsabilité. L'adulte étant plus puissant, il devrait s'en servir comme baromètre. On se sert toujours de l'extérieur pour chialer, pour se défendre. Moi, je m'en sers comme baromètre. Je fais des transactions, je perds de l'argent, j'ai rien qu'à aller regarder qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui n'est pas correct chez moi, puis c'est vrai. À un moment donné, je m'en rends compte, puis des choses, ça n'a aucun rapport technique, tu n'écris pas un livre là-dessus. C'est « mouchez-vous comme il faut, votre auto ne perdra plus d'huile », tu sais, c'est la même affaire. Ça n'a pas de rapport pratique-technique. Bon. Par contre, ça fonctionne. Alors, je ne parle pas du mouchoir gelé, évidemment. En tout cas, vérifiez pas d'huile avec le même mouchoir avant de vous moucher. Tu vois. D'autres choses de même, là? Bon, j'ai bien, on répond aux questions. Ah, c'est ça, il y a bien des questions. C'est intéressant, peut-être. Oui, sûrement. Vas-y. Quel était le but de la secte des Esséniens? Les Esséniens, le but fondamental du peuple essénien, c'est d'éliminer la majorité des autres races sur l'échelle, à l'échelle de la planète. C'est d'entrer en contact avec des peuples extraterrestres, des peuples ézéchialiens, et si possible, de contrôler la structure financière et médicale de la planète dans les années à venir. Les Esséniens avaient un plan, et ils prétendaient que dans les années 1900, on prend la chronologie d'aujourd'hui, dans les années 1960, en montant, il pourrait de plus en plus venir s'installer. Le peuple essénien va perdre lentement sa nomination essénienne, et après, ça a été séminé partout d'ailleurs, et on va le connaître sous le nom de Prieuré de Sion. Et le Prieuré de Sion, c'est aussi ce qui va avec l'alliance d'Adolf Hitler et de l'Allemagne d'Adolf Hitler, forcer l'extermination d'une partie du peuple juif, pour des raisons que j'explique surtout en séminaire, mais sur lesquelles on va passer. Et ils vont s'arranger progressivement pour contrôler le système japonais avec des Allemands juifs, puis finalement toute la structure boursière aujourd'hui est totalement contrôlée par cette même mécanique-là. Puis on pourra en parler beaucoup, mais il y a des choses que c'est pas... Disons que ça peut être dangereux pour ceux qui le savent. Pas nécessairement pour ceux qui le disent, mais il y a des choses, là, ça joue dur là-dedans. La mafia, puis la paix et ces cossins-là, c'est du houblon. C'est même pas de la petite bière. Comparativement à cette mécanique-là. Et puis présentement, ben, c'est aussi ce qui domine totalement les structures astrales à l'échelle de la planète. Ils ont trouvé des manuscrits, à un moment donné, de la mer morte, puis là-dedans, il y avait un plan essénien révélé, puis c'est pas encore traduit, c'est pas encore imprimé, c'est pas encore sorti, c'est bien, bien compliqué. Mais quand on dit ça joue dur, pour eux autres, c'est pas joué dur. C'est pour celui qui le verrait ou qui le oui, qui serait pas prêt à le supporter. Oui, puis fait, en tout cas, il est fait. C'est ça. Quelle était leur formation? C'est une formation c'est une formation intra-extraterrestre, une formation prophétale. C'est une formation qui est extrêmement ésotérique. C'est les premiers qui ont commencé à faire des voyages astraux, mais à l'époque, ils pouvaient facilement voyager en dédoublement corporel. Ils initiaient les personnes qui dans certains cas, à l'intérieur du sphinx, parce qu'à un moment donné, les corps physiques étant trop denses, le peuple essénien, ça a commencé ça, dans la race sémitique, sur Poséidonis, une île atlantéenne, donc bien avant la race indo-européenne qui sera conduite par Rama, avant l'Europe donc, et les corps physiques sont trop denses, on commence à faire des voyages dans le plan astral, et puis à un moment donné, ben, dans le sphinx, entre les quatre pattes du sphinx, on va créer une petite place où on va coucher le disciple, disons l'initiable, dans un cercueil, parce que c'est une mort, c'est la symbolique de la mort, et ça va revenir tout le long, à travers même les enseignements du Nazaréen, c'est-à-dire la mort et la résurrection, et là, le disciple doit mourir, c'est-à-dire qu'il absorbe des produits. Il finit par être à peu près mort, et là, il gagne le plan astral, et il y a des Esséniens, des maîtres, qui vont le diriger, qui vont le rejoindre dans l'astral aussi, et qui vont le guider dans un temple merveilleux. Et ce temple-là, c'est un temple qui a été vu par Edgar Cayce, près de, justement du Sphinx, et on l'a recherché le temple, on ne l'a jamais trouvé. Le temple est un temple construit dans l'astral, ce qui fait qu'Edgar Cayce le voyait dans l'astral, mais le temple n'existait pas dans la matière. Et là, les personnes étaient mises dans ce temple-là, et on pouvait les initier plus rapidement. Il y avait quatre grandes initiations, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce qu'on va retrouver aussi dans l'Église catholique romaine avec le baptême, avec la confirmation, puis etc., etc., où on aura nos quatre éléments aussi au niveau du rituel catholique. Et les Esséniens, donc, avaient une formation extrêmement alchimique, extrêmement scientifique, médicale et psychologique. Quelle a été la vie du frère jumeau du Nazaréen? On va lui attribuer plusieurs choses dans l'ésotérisme profond qu'on attribue au Nazaréen, on attribue au Nazaréen les choses que lui a faites. C'était simplement qu'ils sont venus deux au monde, et puis c'était prévu, c'était prévisible, parce que... c'est ça. L'intelligence, ça fonctionne comme ça. Ce frère jumeau-là a été très exposé. Si on parvenait un jour à trouver Jésus, le bébé, et à le tuer, c'était nécessairement le frère jumeau qui aurait été tué. Il est exposé. Et si on... En tout cas, un peu tout partout et ces choses-là. Et puis finalement, il n'y a pas eu de fonction autre que finalement de servir de bouclier, de bouc émissaire, de frère émissaire à Jésus. À ce moment-là, pourquoi c'est pas lui qui s'est fait crucifier au lieu d'autres? Bon, c'est d'ailleurs Judas l'avait suggéré de toute façon, mais finalement c'est Melchizedek qui a vendu aux Romains quand il a trahi Jésus. Ça fait qu'il a fallu que Jésus aille dire aux Romains, écoutez, ça c'est pas lui, c'est moi Jésus, puis là on a crucifié Jésus. Il l'avait suggéré déjà, mais le frère de Jésus était déjà parti en voyage. Sur une île? Ah, c'est l'autre question, ça. Tu me diras pas, hein? Oh, ben tu connais la réponse. Okay. C'est pas fait d'en parler. Comment j'ai de la misère avec la question? Pose-la. Okay. Je pense que c'est défaire, ou désamorcer l'égrégore religieux de l'Église catholique. On ne touche pas à l'égrégore religieux de l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'elle est utile à des millions et des millions d'individus, ce qui fait que ça n'en vaut vraiment pas la peine. En plus, une chose que souvent l'humain ne comprend pas quand l'humain commence à s'organiser. L'humain qui croit en Dieu, il finit un jour par se dire « Dieu n'existe pas ». Mais quand il dit que Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'il commence à digérer l'essence même de Dieu, ce qui fait que se reconnaissant inconsciemment comme étant Dieu, il ne voit plus Dieu. Bon, là, il existe, là, mais il ne se voit pas, il voit tout sauf lui. Alors, c'est sûr que si tu es en arrière de l'œil, au niveau de conscience, tu vas voir l'œil. Tu dis, l'œil existe. Puis quand tu es rendu dans l'œil, ben là, l'œil, hey, c'est une illusion. L'œil, ça n'existe pas, l'œil. Ben, ça existe, l'œil, t'es dedans maintenant. Fait qu'à un moment donné, tu renies Dieu en ce sens que tu finis par avoir une conscience un peu plus haute. Tu n'es pas divin encore, mais tu es rendu au niveau du Dieu que tu croyais souvent. Mais là, il arrive que le diable continue d'exister. Les forces involutives sont toujours là. Et la personne qui, à un moment donné, se dégage le phénomène divin, elle souvent, elle se met à se libérer, elle commence à se libérer. Alors, il y aura du sexe, il y aura de la drogue, de l'alcool, il y aura un paquet d'affaires, mais en tout cas, c'est rare qu'elle se conscientise. Il y en a évidemment qui se conscientisent à travers la libération, la désinhibition du facteur divin. Désamorcer, disons, l'égrégore catholique romain voudrait dire avancer l'apocalypse de 10 ans. Comment les médiums aident-ils à l'évolution de l'humanité? Les médiums aident à l'évolution de l'humanité parce qu'ils drainent vers eux des personnes qui autrement nuiraient à ceux qui vivent une évolution ascensionnelle. Y a-t-il des mises en garde, j'imagine, pour le médium? Pour la personne qui va voir le médium, oui. N'allez pas voir de médium. Et pour le médium, oui. Cessez d'être médium, puis soyez positif, pensez que vous allez être meilleur que médium. Bon. Mais ça dit tout, mais faudrait, c'est parabolique, il faudrait... Daniel, lorsque je pense aux Nazaréens, je n'ai que dégoût et haine. De quoi cela dépend-il? Probablement parce qu'il ne vous a pas guéri un jour, que vous traîniez dans un village particulier. Après avoir guéri un paquet de monde. Puis je dis, toi là, c'est pas correct. Fait que je peux rien faire. Puis la personne, elle ne l'a pas cru. Pourquoi qu'il m'a fait ça à moi? Fait qu'il ne faut vraiment qu'elle déteste au bout. Fait qu'après ça, elle a vu que le paquet de caves qu'il suivait, là, qui croyait, puis c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle n'avait pas compris à ce moment-là qu'elle devait comprendre là? Elle s'est présentée en. La personne, elle s'est présentée à l'époque en têteuse. Selon expliqué, mais elle s'est présentée égoïquement. Bon, ben là, écoute, tu me guéris, moi aussi, là, je suis là, là, puis il nous a rien dit, il commence à lui poser des questions, tu sais, puis là, je vois pas le rapport, là, écoute, guéris-moi, là, puis. Fait qu'il nous a rien dit, écoute, on va en parler tout à l'heure. Non, non, pourquoi tout à l'heure? J'aimerais en parler tout de suite, moi, là, là, puis, tu sais, non, non, on peut pas pour l'instant. Pourquoi on peut pas pour l'instant? Puis, bon, en tout cas, bref, merde, sinon ça marche plus, là. Quelque chose dans le genre. Elle dansait autour, là, puis elle tournait, enfin, tu vois, c'était. Tu trouves 5 cents par terre. Moi, toutes les fois qu'il y en a qui dansent autour de moi, c'est que. C'est problématique. Ma femme aime pas ça. Tu trouves 5 cents par terre, imaginons. Comment fais-tu pour te débarrasser du karma? Tu pètes du sien à côté. C'est ça, j'allais dire, tu mets une pièce. Prends 5 cents, tu mets une pièce, t'es correct. Trouve-le pas! Qu'est-ce que tu te vois, tu le laisses là? Ben oui. Moi, je vais le ramasser. Si tout le monde laisserait les saisons de terre, je serais riche. Il faut comprendre une chose, c'est qu'une personne, ça dépend bien gros des attitudes des individus. Il y a une personne qui trouve 5 cents de terre, ou 50 piastres, ou 5000 piastres. Bon, on dit 5 cents, elle le ramasse, elle a un karma. Il y en a un autre qui voit le 5 cents, elle le ramasse, elle n'a pas de karma. Il y en a un autre qui voit le 5 cents, elle se dit, moi je ne le ramasse pas, elle n'a pas de karma. Il y en a un autre qui vient, elle dit, elle voit le 5 cents, elle dit, je ne le ramasse pas, elle a un karma. C'est bien clair, c'est bien simple. Si t'en as besoin vraiment, prends-le. Si t'en as besoin, c'est là. Même pas. Non. Même pas. Ce qu'on doit comprendre, c'est pourquoi les lois, c'est compliqué. Quand l'humain commence à appliquer le les mieux, lois... Le mieux, je pense, ça serait de pas regarder la tête. Bon, mais là, tu vas parce avoir... Parce que là, c'est... Quand on va laisser un pièce pris dans un poteau. Ça va devenir aveugle. Parce que là, si j'envoie de l'argent, là, je... Bon, OK. Si elle le prend, je fais du karma. Mais si je le prends pas, j'en ai aussi. Fait que tu fais quoi? Je pense qu'on va faire un chèque de 2 piastres et demi, qu'on va le mettre là. Moitié, je vais couper ça en deux, c'est 2 piastres et demi. Non, mais tu sais, allons-y humainement. Mais celui qui l'a perdu, non, là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Allons-y humainement, convenablement. Si je le vois à terre, puis je le ramasse, j'ai peut-être du karma. Mais si je le ramasse pas, j'ai peut-être du karma. Ben, tant qu'à pas savoir, pour moi, prendre 5 cents. C'est ça. T'sais, ça, c'est le départ. Autrement dit, c'est que quand l'humain ne le sait pas, mais qu'il fasse donc ce qui est intelligent, au maximum. Puis quand je dis que l'humain doit être son maître contrôleur, c'est son seul maître, c'est là. Ouais, mais là, je sais plus, moi, qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, prends tout le paquet de d'informations qui t'empêchent de savoir, mets ça à terre, puis prends le 5 cents. Là, ça devient vivant et pratique. C'est ça, l'ascension. L'ascension, là, c'est d'avoir de l'information pour comprendre les choses, mais il ne faut pas que l'information vienne te limiter dans ta formation. L'information ne doit pas là pour n'est pas là pour te diriger, elle est là pour te supporter. Ça veut dire que l'information ne pourra jamais te dire « Ah, si tu fais ça, tu auras du karma ». C'est pas ça. Toi, tu viens pour le faire, puis tu te sens mal là-dedans. L'information devra dire « Écoute, si tu te sens mal là-dedans, c'est que c'est pas ça. C'est pas ton chemin. » Bon. L'information te le dit. Là, tu vois Saint-Saëns, puis tu le ramasses sous le temps, tu es inconscient. Le karma, il y en a, mais c'est un karma qui ne dérange pas trop. Quand tu commences à être conscient ou à être consciente, bien nécessairement, il y a des informations qui vont commencer à apparaître. Puis l'information, c'est un réservoir d'énergie qui va venir t'aider, qui va te supporter. Mais quand l'information finit par te mettre des bâtons, des roues à tout bout de champ, que tu ne sais plus du tout ce que tu en es, tu prends tout ça au complet, puis tu mets ça de côté. Tu sais, Dieu, il veut-tu que j'aille à la guerre? Dieu veut-tu pas que j'aille à la guerre? Faut-tu que j'aille tuer mon prochain? Faut-tu que je laisse tuer ma famille? Dieu, il dit quoi là-dedans? Mais Dieu, là, il est parti aux toilettes. Il veut rien savoir des guerres, Dieu. Il veut rien savoir de tout ça. C'est une affaire humaine. Fait que là, ça fait une affaire de régler. Dieu s'en mêle pas. Parce que chacun a pris que Dieu pour que Dieu le fasse gagner. Fait que, tu sais, là, Dieu, il sait plus trop. L'humain, il doit simplement faire ça léger. Faut que ce soit spontané. Si tu vibres dans l'intelligence, à la valeur du temps, si vous aimez l'homme, l'humain, vibratoirement, vous allez ramasser le Saint-Saëns. Parce que le Saint-Saëns, c'est du temps humain qui saigne à terre. La personne a le prix de son temps, de sa vie, elle a usé son corps physique pour travailler, pour aller chercher Saint-Saëns. Peut-être qu'elle, dans son inconscience, elle trouve que sa vie vaut rien. Fait qu'elle l'a jeté. Saint-Saëns. Et peut-être qu'elle l'a perdu. Toi, si tu aimes l'humain, ce qui est là, ramasse-le, parce que si tu le laisses là, c'est du gaspillage de vie humaine. 5$, n'importe quoi. C'est sûr que si tu vois la personne qui a perdu son argent, va lui remettre, c'est son sang qui est tombé. Là, tu le ramasses, tu ramasses son karma. Mais l'individu, par exemple, tu te promènes quelque part, puis tu vois des phares d'une automobile allumée, tu fais pas le tour du centre d'achat pour savoir c'est qui. Mais tu peux, par exemple, les portes sont pas barrées, bon, ben, tu ouvres, tu éteins ses lumières, tu refermes. Tu viens de sauver de la vie humaine. Là, on parle de quelqu'un qui aime vibratoirement l'humain. Bon. Là, évidemment, tu vas te dire, on est au 20e siècle, fait que si j'ouvre les portes du char, puis le gars arrive à faire l'installer, on va penser que je vais faire les autres chars. Non, mais tu ouvres pas les portes, tu casses les lumières pour jeter la batterie à terre. Ah, évidemment. Je voulais pas venir. Plein de solutions, n'est-ce pas? Les siennes, les miennes. D'ailleurs, ils appliquent. Mais Charles, c'est un des gars qui applique le plus qui dit. Okay, allez voir cette automobile, ses phares sont brisés. Laissez pas vos lumières allumées dans mon drive. Il n'a pas pensé des étels, ils ont cassé. Bon. Après son poste, après sa propre automobile. Alors, donc, là, Saint-Saëns, c'est ça qui est l'idée. Bon, c'est très, très simple. Quelqu'un se casse la gueule, tu vibres que tu peux l'aider, tu l'aides. Sauf que si tu aimes l'humain, tu peux vibrer que tu n'as pas à l'aider. Il doit apprendre à s'aider tout seul. Tu vas l'aider plus comme ça. Alors, quand on parle du Saint-Saëns ou ces choses-là, le karma, il n'y en aura pas si tu es totalement centré sur toi. Tu sauras que tu prends ou que tu ne prends pas. Puis si tu aimes l'humain, nécessairement, la richesse matérielle humaine, à qui que ce soit, elle est à préserver. Bon, le feu prend chez quelqu'un si tu aimes l'humain. On parle toujours du phénomène karmique, il n'y aura pas de karma là. Mais la personne qui se fait une loi d'aider l'humain, ou la personne qui spirituellement ou émotivement souffre de ne pas aider l'humain, elle est assujettie karmiquement. On en a déjà parlé dans une conférence justement sur les pièges du karma. Sans ça, il n'y a pas de problème. Sans vanter aussi, après se vanter de mon coup, là, ça pourrait être plus karmique. Ben là, ça devient pharisien, ça, là. Ouais. De ça, là, ça ne plus rien de m'avoir. C'est nécessairement karmique, puis l'énergie que tu as ramassée, c'est totalement perdue. Faut-il prononcer son nom lors de la prière? Bon, c'est si on a besoin d'énergie pour soi, nécessairement, il faut prononcer l'endroit de départ, mon père, moi, Daniel, l'endroit d'arrivée, et puis après ça, on fait la prière. Et c'est pourquoi, quand on fait des guérisons, c'est toujours la même chose. C'est au nom de Dieu, je veux que ma soeur ou mon frère Marcel soit guéri. C'est ce que le prêtre va dire. Fait qu'il dit d'où ça part, il dit où ça va. Et c'est pourquoi, quand on prie pour quelqu'un d'autre, ça fonctionne toujours mieux parce qu'on nomme le nom. Alors, c'est évident que si on veut l'avoir pour soi, il faut aussi nommer son nom. Bon, avant ou après la prière, donc tu as répondu, c'est avant, au début. Ben, au départ, oui. L'homme conscient doit donc ordonner à l'astral à faire la volonté de son intelligence. L'astral et les hiérarchies sont donc voués à disparaître dans la matière, dans l'éthérique, et transformer la matière en énergie. Est-ce ainsi? Oui. Eh bien, ça c'est bien. Posez toutes vos questions comme ça. Parle de la machine rumeurte. Pas pour l'instant. C'est des choses qui sont en train de fonctionner, puis on va tout colorer les affaires au complet. Pour l'instant, je ne veux pas toucher. Ça associe émotivement à trop de mécanique, puis à un moment donné, on m'a demandé de parler, par exemple, du 614X. C'est la même chose, c'est similaire. Tu sais, c'est des choses qui ont un intérêt très intéressant. C'est intéressant. Et souvent, ça ne fonctionnera pas, puis ça ne fonctionnera pas parce que l'humain n'est pas rendu à un niveau où il sera capable de supporter sa maladie au plan de l'éther, au plan éthérique, puis ces médicaments-là ou certaines machines. Il y a des choses, pas même au niveau médical, qui vont déranger ou arranger l'humain au niveau du plan éthérique. Puis, personnellement, quand on en parle, bien, on crée de la spiritualité là-dedans, ce qui fait que ça fausse totalement les... En tout cas, il y a des cas simples qu'il ne faut pas dire encore. Ça va nuire. Quand tu te rattaches à l'énergie christique, non. C'est pas christique qui est marqué. Je bois de l'eau pareil. Quand tu te rattaches à l'énergie, quelque chose d'autre que christique, d'une personne, n'est-ce pas encore être maître à disciple? Ça peut être ça. Oui. Oui. Quand on est rattaché à l'énergie de quelqu'un, bon, premièrement, un maître, c'est étymologiquement celui qui maîtrise. Intelligemment, c'est celui qui se maîtrise. Le disciple, étymologiquement, est celui qui est capable de discipline. Donc, celui qui est capable d'appliquer l'enseignement d'un maître. Celui qui applique l'enseignement d'un maître, un bon disciple, est un être capable de reconnaître et de choisir son maître. Un disciple, étymologiquement, n'est jamais assujetti. Sauf que c'est pas long qu'à un moment donné, les personnes et qui a inventé les disciples assujettis, c'est les Occidentaux. Ça a commencé un peu avec les Beatles. Quand les Beatles ont amené, bon, le marijuana puis les drogues, évidemment, eux, ils ont aidé à répandre la philosophie orientale en Occident. Et là, progressivement, il y a un paquet d'Occidentaux qui sont garochés aux Indes, un peu partout là-dedans, et eux ont vu les disciples et les maîtres. Alors, ils ont voulu être disciples. Mais les peuples occidentaux n'ont pas, ne l'avaient pas, puis n'ont pas encore aujourd'hui, l'attitude philosophique pour être capable de suivre quelqu'un sans l'adorer. Pourquoi? Parce que les orientaux n'adorent pas leur maître, ils respectent leur maître, alors que les occidentaux, eux, ont toujours adoré le prêtre, par exemple. Bon, mon père, je viens me confesser, je n'ai plus avoir d'enfant, je suis tout droit. On adorait Dieu, on adorait Marie, on adorait Jésus, on adorait les saints, on adorait les apôtres. Alors, quand les Occidentaux sont ramassés dans les religions orientales, ils ont commencé à adorer les maîtres. Puis, ils en parlaient, puis ils vénéraient, puis envoyaient donc. Et nécessairement, ils devenaient disciples, c'était le nom. On devient disciple. Bon. Et là, eux, c'était pas des disciples capables de discipline. C'était des disciples suiveurs. Comme les disciples du Nazaréen, disons, dans l'étymologie occidentale. Alors que dans l'étymologie orientale, le disciple est un être capable de discipline et qui choisit son maître. Quand le maître devient capoté, il s'en va. Chez les orientaux, par exemple, au niveau des arts martiaux, c'est la même chose. Tu attaques quelqu'un, il te donne une maudite volée, et là, tu lui dis, deviens mon maître, deviens mon maître. C'est pas deviens le gars qui va me dire quoi faire et que je vais servir. C'est deviens mon instructeur. Et là, le maître, s'il accepte, il va dire d'accord. Fait que tu es mon disciple, parfait. Et maintenant, vu que tu es mon disciple, qu'est-ce qu'on fait? Tu payes mon instruction. Ben, j'ai pas d'argent. C'est évident. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Ma vaisselle est là-bas. Va la laver. Ah, le disciple, il part, il lave la vaisselle. Puis après ça, il revient, puis le maître donne une claque en pleine face. Il a montré un coup de poing. Le disciple, après ça, le maître, il dit, il faut aller laver mon linge. Le disciple, il part, il lave son linge. Le disciple, il revient, il dit, bon, j'ai lavé ton linge. Le maître, il donne un coup de poing sur la tête. Deuxième leçon. Puis là, l'occidental qui voit ça, lui, il se dit, crime, faut-tu être lavette quand t'es disciple? Tu torches le maître, tu laves ses bebelles, il donne des claques. Et puis le disciple, il reste là. On n'a pas compris du tout l'idée, là. Alors, tu achètes mon enseignement avec de l'énergie et je te donnerai mon enseignement. C'est un échange d'énergie. Alors, quand on parle de disciple, quelqu'un qui est assujetti à l'énergie, par exemple, d'une antenne supramentale, d'une antenne collective, s'il est assujetti, nécessairement, c'est un disciple occidental. Si la personne est capable, parce que ça lui vibre ce que l'autre fait ou ce que l'autre dit, si elle est capable de se dire, ben crime, c'est ça que je veux faire. Ben c'est comme ça que je veux me battre, c'est comme ça que je veux parler, c'est comme ça que je veux rayonner, dépendamment des maîtres. Ça peut être Siddhartha Gautama, ça peut être Joshua Ben Joseph, ça peut être, bon, d'autres. La personne qui est capable, orientalement, donc d'être orientée, ça irait bien, pour reconnaître la valeur puis respecter ce qu'on va appeler le maître, celui qui se maîtrise, non pas celui qui le maîtrise, ce disciple-là n'est pas assujetti, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce sens-là, n'importe quel individu, vous lisez un livre puis vous l'aimez, vous êtes disciple du livre. Si vous voulez appliquer le livre, vous êtes un disciple oriental, vous allez appliquer la discipline du livre. Si vous aimez le livre, puis vous le gardez, puis vous le lisez souvent, puis vous aimeriez ça l'appliquer, puis vous ne l'appliquez pas, vous êtes un disciple occidental. Vous placez de la valeur émotive dans le livre plutôt que de voir intelligemment l'utilité du livre. Alors, par exemple, dernièrement, j'étais invité au Nouveau-Brunswick à donner des conférences sur l'enfant Teflon et j'avais plusieurs conférences à donner, mais elles duraient tous une heure. Puis là, j'ai dit à l'organisateur, écoute, la prochaine fois, si vous m'invitez, donnez-moi pas une heure, donnez-moi trois heures. Ah, ben je suis content que tu le prennes comme ça. Ben, je leur dis, écoutez, tant qu'à me faire venir du Québec, au moins ambitionnez, profitez-en. Sans ça, ça ne sert à rien. C'est un peu la même chose. Il y a un disciple, il n'y a pas un maître, tu profites au maximum, mais en fonction de l'échange d'énergie. Si tu ne veux pas échanger, tu deviens ce que j'appelle un têteux, un vampire. Bon. Et alors, il faut faire attention simplement. Quand on parle de disciple, souvent on a peur. Une personne est un disciple et aucun problème. Pourquoi? Parce qu'elle applique une discipline. Et nécessairement, elle peut servir le maître, en ce sens qu'elle paye le maître. Mais celui qui donne 1 000 $, c'est moi, je viens chez toi, tu es mon maître. Moi, je te donne 1 000 $ par semaine pour que tu m'instruises, mais je ne fais pas la vaisselle. Il n'y a pas de problème. L'autre, il arrive, moi, j'ai pas d'argent, pas de problème. La piscine est là-bas, lave-la, le gazon t'attend après. Puis là, il y en a un des deux qui la lavette de l'autre. Mais non. Moi, je me ferme derrière pour aller gagner, pour aller servir un patron, pour pas avoir l'impression que je te sers. Puis lui, il se dit qu'il m'a sauvé du temps, puis il vient servir le maître. Un disciple oriental. Tandis que le disciple occidental, il va adorer le maître. Il veut le servir de peur que le maître ne l'aime pas, de peur que le maître le renie, de peur de frustrer son maître. Là, c'est un disciple occidental. Ce qui fait que, dépendamment de comment on est en tant qu'humain, c'est toujours ce qui est à l'intérieur du véhicule qui est important. Il y a 2 disciples, c'est ce qui est à l'intérieur des disciples qui dominent. Il y a 2 humains, c'est ce qui est à l'intérieur des humains. Il y a 2 handicapés, c'est ce qui est à l'intérieur des handicapés. Est-ce qu'on voit la forme de maître-disciple qu'on voit dans Karate Kid, des films de Karate Kid? Ben, voilà. Là, on a un disciple, on a un maître. C'est oriental. C'est oriental. Dans la façon de l'appliquer aussi. Oui, puis un vrai maître mène toujours le disciple dans la maison de sagesse du disciple, pas dans celle du maître. Le maître occidental veut que tout le monde embarque dans sa cabane. Le maître oriental, lui, il donne des claques. Il veut que tu embarques dans ta cabane. C'est sûr que des maîtres dans les pays de l'Orient qui sont occidentaux, là, on prend d'un terme, disons, philosophique, là, le maître oriental est orienté, le maître occidental est accidenté. Bon. Ça, c'est retenu. La question que tu voulais que je te pose, qu'est-ce qui crée la rigidité chez moi à tous les niveaux et comment briser ce bloc rigide? J'ai répondu suffisamment, finalement, pour ce qu'on a besoin de présentement, oui. Okay. Tu as d'autres questions? Je suis convaincu que tu en as une sur ton auto. Il faut que tu recharges la batterie. Au lieu. C'est la réponse. Ou briser les phares. Là, je ne prends plus de charge, je ne prends plus mon auto. La semaine prochaine, la conférence sera pour titre « L'importance de la femme dans le retour du Christ ». Est-ce que la femme a eu de l'importance dans son départ? Oh. Question d'homme. Ça va, je te la poserai la semaine prochaine. Faut que je t'oublie. La conférence de la semaine prochaine, c'est qu'on va parler... Bon, chaque fois que j'ai fait des conférences avec un thème pour femmes, les femmes étaient tout autour frustrées, la majorité. Et parce que c'est quelque chose de grégorien. Et quand je dis, parce que j'ai déjà fait une conférence sur la psychologie de la femme nouvelle, où je disais que la femme était l'égale de l'homme, puis dans la période de questions, c'était toujours, pourquoi dites-vous que la femme est inférieure à l'homme? Pourquoi dites-vous que la femme est inférieure à l'homme? J'ai écouté la conférence après, puis j'ai pas compris pourquoi que les femmes pensaient ça. J'ai fait le tome 2, puis pour réexpliquer... Puis encore, même chose, pourquoi dites-vous que, puis bon, c'est complexe, compliqué. Et là, ce qui va arriver, c'est que la semaine prochaine, je vais parler de la naissance de la femme dans l'homme et la naissance de la femme dans la femme. En réalité, c'est la féminité. Alors, la femme, elle n'a pas d'avance sur l'homme pour ça. Puis, dans le retour du Christ, il sera essentiel que l'homme et la femme et l'enfant soient capables de vivre une féminité. Bon, on va en parler, évidemment, plus longuement. Mais c'est absolument essentiel. C'est un peu comme si... Bon, l'homme a bâti quelque chose. Il a fait un phénomène qui est intéressant. Pour le contact avec les... Quand on parle du retour du Christ, je parle évidemment du contact avec le plan supramental, ce qui est en train de se faire présentement. La femme est enveilleuse. Elle a veillé, d'ailleurs. Elle a veillé ce que le bonhomme travaille comme il faut. Veillé au corps. Mais c'est ça, elle est enveilleuse. Puis, à un moment donné, là, il va y avoir quelque chose qui devra naître à l'intérieur de l'homme, de sa conscience. c'est commencé un petit peu. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui sont capables d'aimer des bébés nouveau-nés comme une femme. Tu sais, avant, ils trouvaient ça tout pissé, laid et gluant. Puis maintenant, ils sont capables de les trouver un peu mieux. Il y a de plus en plus d'hommes capables d'aimer les enfants. Il y a une féminité qui se développe. On ne parle pas d'efféminé. Parce que quand on parle d'efféminé, puis ça, c'est dommage. Quand un gars marche comme une femme, on dit « gueule à tapette, gueule efféminé ». Pourtant, remarquez qu'une personne qui est efféminée ne marche pas comme une femme. Mais le mâle a catalogué le mâle qui marchait d'une façon particulière dans une région femelle, parce qu'encore une fois, c'est macho, cette idée-là. La personne qui marche d'une façon particulière, quand est-ce que vous voyez une femme qui est toujours comme ça quand elle vous parle? C'est rare. Il y en a. Ça, c'est une femme efféminée. Puis quand on voit un homme parler de la même façon, c'est un homme efféminé. Ils sont pas mauvais pour autant. Mais qu'est-ce que je veux dire, moi, c'est que quand je vais parler de la féminité, puis on va tout voir les facettes de la féminité, c'est pas le fait que la personne devient justement féminine. Mais c'est nécessairement le fait qu'elle sera plus macho, mâle. Puis la femme aussi, elle va arriver à se retrouver. En tout cas, c'est extrêmement essentiel dans les années à venir. Puis ça se développe déjà chez certaines personnes. Il y en a qui ne se comprennent pas, puis il y en a qui ne se comprendront pas. On va en reparler donc. Ça fait que la conférence va être utile autant aux hommes qu'aux femmes? Oui, c'est ça. Ça, c'est la façon plus rapide de le dire. J'en passe pas. Si je comprends bien. Peut-être plus, même. Ah, là-dessus, on s'arrange pour s'amuser. Et puis, c'est ça. Il fait beau, puis on en profite un peu. Allez pique-niquer. Hein? Bonne fin de semaine.